Le président du Comité national ougandais d'études des étudiants a publié récemment un écrit qui note comme ce qui suit. Le peuple coréen, ardent patriote et optimiste en l'avenir, a une culture excellente. Il progresse vigoureusement, fermement uni autour du maréchal Kim Jong-un.